Escobar Maxon, le fléau du bitume, Barashnikov, l'instinct du bitume, néochrome Kalashnikov, la rage du bitume. Ok, écoute. Spécialiste du 100 mètres en claquette, raquette, tu rap à la bonne franquette, hélas. Je transforme pochon et plaquette en liasse. Des gaines de King Kong, gorille dans la jupe. Moi et les flics et ping-pong, on se renvoie les poils, nique sa mère la stup. Escobar alias, Boutoulou alias, Shekula alias, El Traficante alias, Tony Bamboula. Si tu me bats fort, je te frappe comme ton rep. Tu ressors du comico, la tête baissée, je t'inscris à la côte au rep. On veut la caisse, la Rosa, Bellucci. C'est la cesse, c'est une rosta en testarossa et Gucci. Au 100-7, c'est racaille, ça dit pas cher. Si Sarkozy investit ici, c'est pas des milliards en cachère. Causé aux anciens dans les fécas, dans les dièses durs, je vais feta. Dis pas mon place, ta bouche, puis la matière fécale. Recrute, cri-cri sur critère, pas cutéreux, c'est le thème Rocky. Dans mon équipe, que des Tyson, c'est le thème Rocky. Shell Gay et la street, sans baratin. Escobar, farage de l'oseille dans la rue, le rap. Les baratins. On partage les stospas, Farage Escobar, issu du ciment, on a ce piment qui t'arrache l'estomac. C'est le gay et la street, sans baratin. Escobar, Farage de l'oseille dans la rue, le rap, les baratins. On partage les stospas, Farage Escobar, issu du ciment, on a ce piment qui t'arrache l'estomac. Reste pas dans nos parages, sale bâtard. Rap de rue ou bien, c'est Farage Escobar. Hein. On aime les petites bouches prêtes à se taire. Range ta paire de claquettes, c'est pas le remake de Fred Astaire. Y'a de la fraîche à se faire, pourquoi se trouer le cul? Recompter ta liasse en espérant trouver plus. La faiblesse des uns fera le bonheur des autres. Y'a plus rien qui se dégraisse depuis que l'honneur se désosse. J'bosse pour la mif, le pif et la fila au bled. N'a rien le shit, hein, la vérité dit là aux frères. On sait comment le port se torpille. À la recherche d'une porte de sortie, j'attends pas que leur corps se tortille. Sommes-nous fat? Oui, oui, nous le sommes. Depuis que ça sonne New Jack, j'veux le même syndic. Car je suis une fan, je suis une sorte morphine, dealer de goût des oreilles. Puis j'un chèque, plus je deviens dealer pour tes oreilles. Originaire de Mzel, c'est le bête. Soit tu baisses le pèse, soit tu pleures sous les jupons du sexe faible. On se fout de ce que t'as sous la carrosserie. Roule ton Carmos, on veut la fortune à Carlos Slim. On sait que le rôle du Charlos mime, alors fixe leur tao à la limite du paroxysme. C'est le gay et la street, sans baratin. Escobar, Farage de l'oseille dans la rue, le rap, les baratins. On partage les stospas, Farage Escobar, issu d'ici. Ciment, on a ce piment qui t'arrache l'estomac. C'est le gay et la street, sans baratin. Escobar, Farage de l'oseille dans la rue, le rap, les baratins. On partage les stospas, Farage Escobar, issu du ciment, on a ce piment qui t'arrache l'estomac. Drive by FM hostile, on pense qu'à charbonner, abonner. Au mal, y'a Dieu qui peut nous pardonner. Du plomb dans le gun, dans la tête, 3 kills. De matière grise, tranquille, le cœur n'a pas d'os, donc c'est les couilles qui me brisent. Appelle la police, j'pisse dans le fond du Texas Walker. Dans les coulisses, je me tue la tête ou Johnny Walker. Master, personne n'hésite, parce que c'est musique maquilla. Violent et dur comme se faire sucer le chip à Dracula. À la vue du putain, la vie, combien peuvent te loter? C'est pas le club de Dorothée, y'a toujours le neuf de côté. J'compte honorer le contrat, prendre des liasses colorées. Là où loyauté, c'est aussi rare qu'un keuf me noter. C'est le gay et la street, sans baratin. Escobar, Farage de l'oseille dans la rue, le rap, les baratins. On partage les stospas, Farage Escobar, issu du ciment, on a ce piment qui t'arrache l'estomac. C'est le gay et la street, sans baratin. Escobar, Farage de l'oseille dans la rue, le rap, les baratins. On partage les stospas, Farage Escobar, issu du ciment, on a ce piment qui t'arrache l'estomac. Va à l'école, gamin. Arrête les conneries. C'est pas pour toi, ça. Écoute ton grand frère. Moi aussi, je veux m'arracher en. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas un petit PD qui veut devenir pompard ou policier. Ah ouais? Demain, je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Et si c'était si simple?